À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, l'ambassade coréenne en Russie a offert le 13 avril un banquet. Y ont été invités le secrétaire du comité central du Parti communiste de la Fédération et chef du groupe parlementaire d'amitié Russie-Corée de la Douma d'État de Russie, le chef du département 1 d'Asie, l'ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, la présidente du Parti pour la paix et l'unité, le chef de l'orchestre du 21e siècle, ainsi que des cadres des organisations politiques et sociales, du gouvernement et d'autres organismes comme le Parti démocrate libéral, le ministère des Affaires étrangères et l'Association russe d'amitié et de coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée. Y ont pris part le chargé d'affaires par intérim coréen et ses collaborateurs en Russie. Les participants ont déposé les corbeilles et gerbes de fleurs devant le tableau de peinture figurant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il qui se trouvent ensemble avant de rendre hommage. Ils ont vu aussi les photos montrant les exploits des grands leaders et du dirigeant suprême Kim Jong-un.